إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, on va commencer le cours numéro 5 dans l'explication du livre du Cheikh Ahmed al-Najmi Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-Muttasil al-Majhul. Donc dans le point numéro 5, dans le cours numéro 5, on commence la lecture du point numéro 6 dans la réfutation des paroles d'Abdullah Azam. Le Cheikh il dit al-wajh al-sadis ويتبين من هذا أن أصحاب المنهج الإخواني ومن على شاكلتهم يخصون بعدائهم الموحدين فقط وإلا وإذا لاحظنا معاملتهم لغير الموحدين من أصحاب المناهج الضالة حتى الديانات الكافرة تجدهم يتعاطفون معهم ويصافونهم المودة ويجعلونهم إخوانا لهم وأعضاء في منهجهم ولهذا فلم يبعد عن الحقيقة من قال أنهم ضد التوحيد وضد الولاة وضد السنة. Donc le Cheikh il dit comme point numéro 6. Et donc on peut donc voir clairement que les gens qui suivent le manhaj des Ikhwan et ceux qui sont sur cette tendance également, ils n'ont de haine et d'animosité que pour les Mouahidin seulement. C'est-à-dire ils n'ont de haine et d'animosité que pour ceux qui sont sur le Tawhid et qui appellent les musulmans au Tawhid. Et ça, on l'a remarqué lorsqu'on voit leur attitude envers les gens qui sont sur autre que le Tawhid et autre que la Sunna, par rapport aux gens, par exemple, qui suivent les groupes de bid'a ou des tendances de bid'a, et également leur attitude même envers les kuffars, des gens qui suivent des religions qui sont en dehors de l'islam, comme le christianisme et le judaïsme, et d'autres même parmi les laïcs et les communistes et les socialistes, et ainsi de suite. تجدهم يتعاطفون معهم. Tu les vois qui sont doux avec eux et qui sont comme le miel avec eux. Et ils ont une amitié, même un amour pour eux. Et même ils les traitent et ils les considèrent comme leurs frères. Hein? Et même qu'ils les acceptent même comme membres dans leur association et dans leur méthode, dans leur voie. Tout ça, ça indique que ces gens-là, si on regarde donc leur réalité, c'est que ce sont des gens qui sont contre le tawhid, contre les dirigeants et contre la sunna. Donc le cheikh il dit ensuite faslun fil adillati ala kawnihim dhidd at-tawhid. Donc il a fait le cheikh un point ici, un chapitre ou un point pour montrer comment les preuves, pour montrer les preuves que ces gens-là, parmi les gens qui suivent le manhaj des ikhwan, pourquoi ils sont contre le tawhid, les preuves de ça. Il dit يتبين أنهم ضد التوحيد من خلال الأمور الآتية. À travers les points suivants, on pourra voir que ces gens-là sont contre le tawhid. Le premier, c'est que أن حسن البنا لم يدعو إلى التوحيد ولم يأمر به أحدا من أتباعه قط. Premièrement, le premier point, on peut voir que ces gens-là sont contre le tawhid, parce que même le fondateur de ce groupe, Hassan al-Banna, n'a jamais appelé ou ordonné les gens à rester sur le tawhid ou à être sur le tawhid, ni même que ses fidèles. Yani, on voit que même ceux qui l'ont succédé, qui l'ont suivi, n'ont jamais insisté justement pour commander ou ordonner aux gens de suivre le tawhid. Et yani, ça c'est en particulier, comme on dit, le tawhid dans l'adoration. Tawhid, at-tawhid fil ibada, tawhid al-uluhiya. Ça, on le retrouve pas dans leur enseignement. Comme deuxième point, le cheikh il dit وأنه لم ينهى عن الشرك الأكبر مع كثرة الواقعين فيه فهو يراهم يتطوفون بالقبور وينظرون لها ويسبحون على اسمها ولم ينقل عنه أنه نهى أحدا عن فعل ذلك الشرك الأكبر المخرج من الملة بل شركهم في ذلك باعترافه فهو يقول عن نفسه أنه كان يذهب من دمنهور مسافة 3 ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا ليزور قبر الدسوقي وغيره وهذا يدل على ما وراءه. Donc le cheikh il dit comme point numéro 2 que Hassan al-Banna n'a jamais interdit les gens de faire le shirk majeur, alors que les gens qui tombent dans cette forme de shirk majeur sont très très nombreux. Et il dit, il voyait les gens qui faisaient le tawaf aux tombes et qui faisaient des serments ou des vœux à ces tombes-là, et qui égorgeaient et sacrifiaient des animaux au nom des tombes, yani au nom des gens qui sont enterrés dans ces tombes-là. Et il n'a jamais été mentionné ou rapporté que Hassan al-Banna, de même que ses successeurs, n'ont jamais interdit les gens de faire ce genre de choses-là et ce genre d'activités-là, qui sont des formes de shirk majeur qui font quitter à quelqu'un, qui font que quelqu'un quitte la religion musulmane. Donc, on remarque même le contraire, en fait, comme le cheikh il le dit, que lui-même il reconnaît, Hassan al-Banna reconnaît lui-même, qu'il a participé avec eux, à ces gens-là, avec ces gens-là qui font ces choses-là, il a participé avec eux dans ce qu'ils font. فَهُوَ يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ, il dit à propos de lui-même, Hassan al-Banna, il dit lui-même dans son livre, dans un de ses livres, à propos de lui-même, qu'il partait de Damanhur et il marchait pour 3 heures, il revenait. Ça prenait 3 heures pour aller, 3 heures pour revenir. Il allait juste là-bas, pourquoi? Pour visiter une tombe, c'est-à-dire la tombe de Ad-Dasuqi, un des soufis qui sont considérés là-bas comme étant des saints, à qui on attribue des miracles ou des pouvoirs miraculeux. Donc les gens vont à ces tombes-là pour avoir des faveurs, pour avoir des mérites, pour avoir des vœux exaucés, ainsi de suite. Et d'autres pour méditer, ou pour prier, ou pour faire d'autres choses. Donc c'est des exemples de choses que ces gens-là font, et même Hassan al-Banna, qui était parmi eux, faisait ces choses-là, il allait participer avec eux dans ces choses-là. Et il n'a jamais interdit à ces gens-là de faire les formes de shirk que ces gens-là faisaient. Ensuite il dit, وَأَنَّهُ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ, أنه وقع هو في الشرك الأكبر بقوله هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى, يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سامحهم وغفر ذنوبهم فهل هو يملك ذلك؟ الشيخ il est tombé lui-même, Hassan al-Banna, dans des formes de shirk majeur. Par exemple, il disait dans une poésie qu'on a lue au début, voici le bien-aimé, هذا الحبيب, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, مع الأحباب, c'est-à-dire avec les soufis, ils appellent les أحباب, قد حضر, ils sont venus, c'est-à-dire ils croient qu'ils sont présents, Et ça, ça fait partie des croyances des soufis. Lorsqu'ils font leur hadra, ils font leur hadra, comment ça s'appelle? Leur hadra, c'est comme une sorte de danse qu'ils font. Ils se mettent en rond et puis ils commencent à se balancer en avant, en arrière, au rythme de tambour, et ils crient en même temps, et ils chantent, ou ils prononcent des noms d'Allah, ou bien même ils vont juste dire des parties des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là, il y a une personne qui est au milieu, et ces gens-là, à ce moment-là, ils s'imaginent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient assister à ce genre de choses qu'ils font, où ils dansent, et ils chantent, et ils sautent en rond, hein, un peu comme des fous. Donc, ces gens-là disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient, et il dit ensuite Samah al-kul fi ma madha wa jara, c'est-à-dire il croit que il vient puis il pardonne à tout le monde, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient pardonner à tout le monde ce qu'ils ont fait, hein, et ce qu'ils ont commis comme péché, des trucs de ce genre. Donc le cheikh, il dit ça veut dire que ces gens-là croient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a le pouvoir de pardonner les péchés. Et est-ce qu'il possède ce pouvoir, hein, est-ce qu'il a cette capacité-là? Bien entendu, on sait très bien que personne ne pardonne les péchés excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaghfiru adh-dhunuba illa Allah. Ça c'est les paroles d'Allah lui-même qui le disent, hein. Ensuite le cheikh il dit wa qad waqa'a fi ash-shirk al-akbar atba'uhu bal al-murshiduna minhum wal-munzaruna fihim wa qad sabaqa bayanuhu wa dhikruhu fi awwal al-bahth wa minhum Umar at-Tilmisani wa Mustafa as-Siba'i wa Sa'id Hawwa وما لم يدون أكثر. Le cheikh il dit, et également on voit que même ces fidèles sont tombés dans des formes de shirk majeur, hein, même les gens qui ont bal al-murshidun, c'est-à-dire même ceux qui ont succédé Hassan al-Banna dans la dirigeance de son groupe, hein, et ceux qui sont respectés et bien vus parmi les membres de ce groupe-là, et bien on voit que parmi eux beaucoup sont tombés dans des formes de shirk majeurs aussi. Et on a mentionné au début de cette réfutation justement des exemples de ça. Et le cheikh il dit parmi eux Omar Tilmisani, hein, Mustafa As-Siba'i, Saïd Hawa, et ce qui n'a pas été mentionné ou écrit, ce qui n'a pas été mis par écrit au sujet de ces formes de shirk que ces gens-là font, parmi les formes de shirk majeur, eh bien c'est encore plus nombreux. C'est-à-dire il y a beaucoup de formes de shirk et des choses qu'ils ont dit ou fait qui sont même pas écrites, mais qui sont plus graves encore. Donc c'est juste pour donner un exemple. Après le shirk, il dit comme point numéro 5, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَعَاطُفُ حَسَنَ الْبَنَّ وَأَتْبَاعُهُ وَوَلَاؤُهُمْ وامدماجهم مع الشيعة المشركين وتبنيهم لدعوة التقريب بين الرافضة والسنة رغم ما عند الرافضة من شركيات وكفريات وبدع وتسريحهم بأخوتهم لهم. الشيخ il dit regardez, parmi les preuves qui montrent que ces gens-là sont contre le tawhid, c'est qu'ils ont toute une affection et un amour, hein, Hassan al-Banna et ses fidèles, hein, le fait qu'ils s'allient avec les shi'as qui font le shirk, hein, les mushrikoun qui font le shirk parmi les shi'as, indimajuhum ma'a al-shi'a al-mushrikin, comment ils s'associent et ils s'intègrent avec les shi'as qui font le shirk et qui ont comme, ils ont adopté comme principe, les Ikhwan ont adopté comme principe l'appel au rapprochement, hein, entre les Rafida et Ahl Sunnah. Et il n'y a pas de doute que c'est une forme d'égarement, puisque les Rafida possèdent toutes sortes de formes de shirk et de kufr et de bid'ah, des innovations. Et malgré tout ça, ils les considèrent comme étant leurs frères. Ils considèrent les Shia comme étant leurs frères, hein. Donc, on sait que les Shia, ils ont comme principe dans leur croyance l'adoration des tombes et l'adoration des morts. Et que ça fait partie de leur fondement et de leur principe. et que lorsqu'il meurt, un de leurs imams meurt, ou un de leurs chouyoukhs meurt, ils se précipitent pour lui construire une mosquée sur sa tombe, pour lui faire des pèlerinages, et pour aller les adorer, comme ils font à Najaf, et à Karbala, et Mazar-i-Sharif, et à beaucoup d'autres endroits dans le monde musulman. Ça c'est pour les pays où les Rafidas sont au pouvoir aujourd'hui, en Iran, en Irak, et ailleurs. Donc que dire des autres, que dire des choses de ce genre, que dire de ces attitudes que ces gens-là ont, de même que sans oublier le fait que les Shia Rafida sont les gens qui déclarent les Sahaba Abu Bakr, Omar, Othman et les autres Sahaba excepté Ali et un petit nombre, ils disent que le reste sont des kuffars. Et ils disent qu'il faut les insulter et que ça fait partie de la religion de les insulter. Donc ça c'est l'exemple de la croyance des Rafidah que les Ikhwan prennent pour alliés et qu'ils aiment au-dessus de tous. Après, le Cheikh il dit « يقول التنظيم الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها ولكنه الإسلام شعوبه في كل مكان وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن العشرين ليثبت أن حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. Donc, il insiste encore une fois, non seulement qu'il les considère comme leurs frères, mais ils disent même dans leur magazine, dans leur déclaration internationale, dans leur organisation internationale pour les Ikhwan, ils disent à la page 46, dans ce livre, ils disent que l'Iran est le seul pays musulman dans le monde. Donc ils considèrent que ce pays-là, c'est le seul pays musulman dans le monde aujourd'hui qui s'est imposé, qui a imposé le jugement d'Allah au-dessus de tout, au-dessus du jugement de tous les dirigeants et au-dessus du jugement des colonialistes et des zionistes internationaux, du mouvement international zioniste. Donc ça, c'est ce qu'ils prétendent. Et on voit comment ces gens-là, donc, cachent la vérité et mentent au sujet de ça, parce qu'on sait très bien que le pays des Rafidah, l'Iran, c'est pas le seul pays, et c'est même pas, premièrement, c'est pas un pays islamique du tout, puisque c'est un pays qui défend le shirk et qui défend yani les bid'ah et qui défend le fait de justement insulter les sahaba. Donc ça peut pas être considéré comme étant un pays musulman, un pays qui détient ça comme croyance et qui enseigne aux gens ce genre de croyance là. Et ensuite il dit le chef, فانظروا إليه أثبت الإسلام للرافضة وحدهم للرافضة وحدهم الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة وتجاهل دولة التوحيد التي قامت عليه وما زالت تحميه وتدافع عنه وتعلمه وتنصره وهي الدولة السعودية. Donc le cheikh il dit, regardez comment ces gens-là affirment que l'Iran est le seul pays musulman. Ceux qui déclarent Abu Bakr, Omar et Othman et le reste des sahaba comme étant des kuffars, et ils négligent et ils ignorent complètement le pays qui est établi sur le tawhid depuis son début, et qui défend et qui propage et qui enseigne et qui défend le tawhid, l'Arabie Saoudite. Ils l'ignorent complètement, ils le calculent même pas. Et ça, c'est l'attitude qu'on voit de la part des Ikhwan depuis le début et jusqu'à aujourd'hui par rapport à l'Arabie Saoudite et par rapport à l'Iran. Hein? Ensuite, on voit par exemple les Ikhwan, c'est comme ça qu'ils leur manhaj, toujours la politique, toujours ils jouent avec les gens et les émotions et les sentiments. Par exemple, dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, les Ikhwan étaient avec qui? Ils étaient avec Khomeini. Ils prenaient la défense de Khomeini contre l'Irak. Hein? Contre Saddam Hussein durant la guerre Iran-Irak. Alors que l'Arabie Saoudite prenait le côté de l'Irak contre l'Iran. Bien entendu, parce que l'Iran est beaucoup plus dangereux que l'Irak à cette époque. Pourquoi? Parce que les Rafidah sont des gens qui parlent au nom de l'islam et qui ont fait une révolution soi-disant islamique, hein, pour essayer de propager justement la croyance des Rafidah et égarer les gens et les amener dans le shirk et dans le kufr et dans la bid'ah au nom de l'islam. Donc ils peuvent tromper beaucoup plus facilement les gens parce qu'ils leur parlent. Ils peuvent tromper les musulmans plus facilement parce qu'ils parlent au nom de l'islam. Et ils se disent musulmans, et tu les vois faire la prière, et tu les vois faire le jeûne, et tu les vois avec la barbe, et tu les vois avec le turban, et tu vois les femmes avec le djilbab. Et donc ça, c'est facile par la suite de tromper les gens et de dire aux gens, voici, ces gens-là sont les vrais musulmans, ces gens-là sont ci et ça. Hein? Donc, ces gens-là, c'est dangereux ce qu'ils font. Parce qu'ils sont en train d'appeler les gens à l'égarement au nom de l'islam. Tandis que les Irakiens à l'époque, Saddam Hussein, ils ne les appellent pas à l'islam. Ils les appelaient au parti Ba'ath, qui est un parti socialiste, communiste. Et donc, tout le monde qui entend parler de ça, ils vont savoir tout de suite que ce sont des gens qui appellent pas à l'islam, mais qui appellent à un groupe ou à un mouvement ou à un parti politique communiste, laïque, hein, matérialiste, qui ne croit pas en l'islam. Donc ça, c'est plus facile pour les gens de distinguer le vrai et le faux par rapport aux Irakiens. Et donc, ils ont pris la position par rapport à l'Irak, hein, contre l'Iran, justement à cause des dangers que l'Iran représentait pour la croyance. Mais quand il y a eu les problèmes de la guerre du Golfe par la suite, on a vu que on a vu que les Ikhwan ont pris la défense, hein, donc on voit que dans la guerre Iran-Irak, les Ikhwan étaient avec l'Iran, hein, les gens qui font le shirk et qui insultent les sahaba au nom de l'islam. Tandis que dans la guerre de l'Irak, dernièrement, la guerre du Golfe, ils ont pris la position pour Saddam Hussein contre l'Arabie Saoudite. Hein? Ils ont dit, ah, on va prendre la position avec Saddam Hussein, le communiste, le socialiste du Parti Baath, contre l'Arabie Saoudite et contre les États-Unis. Hein? Soi-disant parce que les États-Unis sont des chrétiens, des koufars, et l'Arabie Saoudite sont les alliés des États-Unis, et donc il faut s'allier avec le socialiste communiste, hein, qui est Saddam Hussein et le parti Baath. Donc on voit comment ces gens-là, ils changent d'allégeance facilement et comment ils ne se basent pas sur le tawhid, ils ne se basent pas sur la sunna pour distinguer avec qui on doit s'allier et avec qui on ne doit pas s'allier. Hein. Qui est plus dangereux entre les koufars? Un murtad ou quelqu'un qui est sorti de la foi islamique et qui a accepté un parti socialiste ou communiste et qui appelle au kufr, ou bien un chrétien qui est sur sa religion et qui fait partie des chrétiens et des juifs dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de manger leur viande et d'épouser leurs femmes malgré leur kufr et leur shirk. Bien entendu, il faut savoir encore là la distinction entre le kafir qui est un kafir asli et le kafir qui est un kafir d'apostasie. Le kufr d'apostasie est plus grave que le kufr qui est à la base, un kufr de base, c'est-à-dire le kufr des chrétiens qui sont à la base kufar. Personne n'a de problème avec la distinction entre ces deux choses-là, sauf les gens qui n'ont pas compris l'islam et le tawhid. Donc comment ils prennent des positions envers un ou l'autre parmi les groupes et parmi les gens et parmi les individus et les partis, et ils s'allient pour ou contre les gens sans même tenir compte justement de leur aqidah ou de leurs principes ou de leurs fondements, mais uniquement sur des intérêts matérialistes. Hein? Ça montre un petit peu encore leur façon de juger les choses. Et ils ne tiennent aucune considération sur le fait que l'Arabie Saoudite appelle au tawhid et combat le shirk. Au contraire, pour eux, ça c'est un détail insignifiant. Le cheikh il dit comme point numéro 7, اجتماع فصائل الجهاد في أفغانستان على جماعة جميل الرحمن في كونار وقتالهم لهم وهذا من أعظم الأدلة على بغضهم للتوحيد وأهل التوحيد. Le cheikh il dit comme septième point, le fait que les groupes des gens qui faisaient le jihad en Afghanistan, qui prétendaient faire le jihad en Afghanistan, se sont tous réunis contre le groupe de Jamil al-Rahman qui était dans la région de Kunar, et ils se sont mis tous ensemble pour le combattre. Et ça c'est une des plus grandes preuves et un des plus grands signes, hein, que ces gens-là sont contre le tawhid et qu'ils détestent le tawhid et les gens qui suivent le tawhid. Ensuite le cheikh il dit ثناء حسن البنا على محمد عثمان المغرني السوداني القائل بوحدة الوجود. Comme on avait mentionné au premier point, au début du cours, dans les premiers cours, que Hassan al-Banna a glorifié, il a fait les éloges de Muhammad Uthman al-Maghrani, le Soudanais, qui enseigne et qui prêche et qui prônait Wahdatul Wujud, c'est-à-dire de croire que tout est Allah et que Allah est tout. Et ça, c'est un autre signe, une autre preuve que Hassan al-Banna et ses fidèles parmi les gens des Ikhwan aujourd'hui sont contre le tawhid et s'opposent au tawhid. Un autre exemple aussi, le cheikh il mentionne comme point numéro 9, قول حسن البنا للجنة المشتركة ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية أو خصومة دينية انظر الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. Le cheikh il dit comme point numéro 9 que Hassan al-Banna a prononcé un discours devant un comité européen, et dans ce comité-là il a dit il n'y a entre nous aucune, entre nous et les juifs il n'y a aucune animosité religieuse et aucun conflit religieux. Et donc ça c'est mentionné dans le volume 1 à la page 409 du livre Les frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun, Ahdathun Sana'at al-Tarikh. Donc, et ça, on le voit encore aujourd'hui. Hein? Youssef al-Qardawi, il dit la même chose. On combat pas les juifs pour la religion. On combat uniquement les juifs à cause de la terre ou du territoire. Donc, ça, c'est leur manhaj. C'est leur, ils considèrent pas que les juifs ont eu un problème dans leur croyance. Ou ils considèrent pas qu'il faut les combattre par rapport à la croyance, uniquement par rapport à la terre. Hein? Et il mentionne par la suite également, il y a aussi l'exemple de, comment il s'appelle l'autre, Tariq Ramadan qui est le petit-fils de Hassan al-Banna. Hein? Sa mère est la fille de Hassan al-Banna, et on retrouve également que son père était, le père de Tariq Ramadan était un des fidèles les plus proches de Hassan al-Banna. Et on entend Tariq Ramadan dire et répéter que ils n'ont pas de problème avec la croyance des juifs, ou qu'ils n'ont pas de problème ou de conflit par rapport à la croyance des juifs. Il dit, nous ne sommes pas contre la foi des juifs. Ça, c'est ses paroles à lui. Donc ça, c'est des exemples pour montrer que ces gens-là sont tous sur cette voie et sur cette tendance. Et qu'ils considèrent même les juifs et les chrétiens comme étant leurs frères. Hein? Comme le dit Qardawi et comme beaucoup d'autres le disent. Le numéro 10, il dit « كان بعض أعضاء المنهج الإخواني من الأقطاب من الأقباط pardon. وهذا لا أقوله تخيلا ولا تخمينا بل هو الحقيقة نقل في كتاب دعوة الإخوان المسلمين دعوة الإخوان المسلمون في الميزان في وفي مجلة لواء الإسلام العدد الأول السنة الخامسة والأربعون رمضان 1411 صفحة 39 قالت المجلة والإمام حسن البنا عندما شكل اللجنة السياسية العليا للإخوان المسلمين كان ضمن أعضائها ثلاثة من المسيحيين وهم الأساتذة لويس أخنوخ وهواهيب دوس والثابت كريمس دونك كريز كريمز oui c'est ça donc il dit que même non seulement ils considèrent les juifs et les chrétiens comme étant leurs frères mais ils les acceptent même dans les, comme membres dans leur groupe hein? Et il a accepté même Hassan al-Banna trois parmi les chrétiens égyptiens coptes à son époque et ça il dit le cheikh Ahmed al-Najmi il dit ça c'est pas quelque chose que j'invente ou que je suppose c'est quelque chose qui est réel et ça a été mentionné même dans le livre Al-Ikhwan al-Muslimun fil Mizan, les frères musulmans dans la balance, et aussi dans le magazine Liwa al-Islam, c'est-à-dire la bannière de l'islam, le premier numéro de l'année 45, dans l'année 1411 du mois de Ramadan, à la page 39, il dit dans ce magazine, on dit dans ce magazine, l'imam Hassan al-Banna, lorsqu'il a établi son comité politique supérieur, il avait comme membre dans son groupe trois chrétiens, dont le premier Louis Akhnour, le deuxième Wahib Dous et le troisième Thabit Krums, ou Krimes. En tout cas, c'est trois chrétiens qui faisaient partie de son groupe. Et donc on voit que ces gens-là, ils n'appellent pas à l'islam, ils n'appellent pas au manhaj de l'islam et à la voie des salaf salih. Ils appellent à un parti politique. Et que pour faire partie de ce parti-là, pour être membre de ce parti-là, tu n'as pas besoin d'être un croyant. Tu n'as pas besoin de croire en l'islam et au fondement de la croyance islamique. Tu n'as qu'à accepter les principes du groupe et du parti. Pour en faire, pour être un des membres de ce groupe. Et donc ça montre l'égarement de ces gens-là, et c'est la preuve en fait même qu'ils n'appellent pas à l'islam, qu'ils n'appellent pas au tawhid, mais qu'ils appellent uniquement à des buts et des objectifs politiques, et rien d'autre. Donc le cheikh il dit, comme point numéro 11, « وَلَقَدْ جَمَعَ الْبَنَّ فِي حِزْبِهِ خَلِيطًا مِنْ أَصْحَابِ الْإِتِّجَاهَاتِ البدعية والشركية فمنهم الجهمي المعتزلي الصوف والصوفي والأشعري وغير ذلك بل دخل في حزبه النصارى واليهود ولم يدق صدره بأحد منهم وتابعه على ذلك أصحاب حزبه فلم تدق صدورهم بأحد فلم تدق صدورهم بأحد منهم بأحد منهم حتى ولو بلغت درجة القسوة في الوثنية كمن يؤمن بتصرف الأقطاب في الكون بدلا من رب الكون كما هي عقيدة مجددي الذي قال عزام هذا القول وكتب هذا المقطع في مجلته وهو تحت رئاسته ولم يمنع ذلك عزاما وهو الناطق باسم الجهاد الأفغاني في ذلك الوقت من أن يهمز ويلمز الشيوخ السلفيين ويطعن فيهم ومع أنه تحت رئاسة وثني مسف في الوثنية. Donc le cheikh ici il mentionne comme point numéro 11, il dit que Hassan al-Banna, il a réuni dans son groupe des gens de toutes les orientations et de toutes les tendances de bid'ah et de shirk. Parmi eux les Jahmiya, parmi eux il y a des Mu'tazila, parmi eux il y a des Soufiya, parmi eux il y a des Asha'ira et il n'a pas mentionné d'autres, mais il a dit, il n'a pas mentionné d'autres noms, mais il a dit, et il y en a d'autres encore. Hein? Parmi eux, aujourd'hui, il y a les takfiriyah, les takfiriyins, il y a les jihadis, il y a les takfiri, il y a les, également les, comment ça s'appelle? Les khawarij, hein? Ces groupes-là sont des groupes de khawarij, et il y a les modernistes, et il y a les laïcs, et il y a les libéralistes, et il y a toutes sortes d'autres tendances maintenant hein, qui font partie de ces gens-là, sans compter qu'ils s'allient avec les chrétiens, et même avec les laïcs aujourd'hui, et ils les considèrent même comme des, parfois comme des membres de leur groupe, et ils appellent à s'allier avec eux, et à dialoguer avec eux, et à se rapprocher d'eux, hein, sur ce qu'ils sont en accord avec eux, sur des choses de soi-disant de justice ou autre. Donc, ça c'est leur façon et leur méthodologie, c'est la voie qu'ils ont suivie. Et le cheikh il dit, il dit ça à ce sujet-là, et comme il disait tout à l'heure à propos qu'il y avait trois chrétiens dans son groupe, encore aujourd'hui même, on trouve que parmi eux, parmi les ikhwan, il y a des ikhwan qui font des alliances avec des partis et avec des organisations de chrétiens arabes qui appellent à toutes sortes de choses de kufr, mais ils s'associent avec eux pour des intérêts ou bien pour justement faire des compromis avec eux, et ils ne mentionnent même pas parfois que ce ne sont pas des musulmans ou que ce sont des koufars juifs ou chrétiens ou athées ou laïcs. Ils ne mentionnent pas ça, ils les laissent paraître et même parler et s'adresser aux musulmans dans leurs conférences et dans leurs organisations sans jamais mentionner qu'ils sont des koufars. Donc, il laisse parler des gens qui sont même pas musulmans, qui sont chrétiens, arabes. Et étant donné qu'ils sont arabes, beaucoup de gens s'imaginent par la suite que ce sont des musulmans, alors que non, ce sont même pas des musulmans, ce sont des koufars parmi les chrétiens, ou parmi les laïcs, ou parmi les communistes, ou parmi les socialistes, ou des gens qui ont toutes sortes d'autres croyances contraires à l'islam. Ensuite, le cheikh, il dit dans ce point numéro 11, qu'ils n'ont pas de problème avec personne, peu importe qu'est-ce qu'ils suivent, et même parfois parmi des gens qui ont des croyances d'idolâtrie, hein, et qui croient, par exemple, comme certains soufis hein, parmi eux, et qui croient que les aqtab, ce qu'on appelle le qutb, c'est pas ces qutb, on parle d'une autre chose qui fait partie des idées ou des croyances des soufis, hein, ils croient en. Il croit qu'il y a certains parmi les saints, les awliya, hein, qu'ils appellent des rijal al-ghayb, les hommes invisibles ou les hommes cachés. Et ils disent que ces hommes-là, ils contrôlent l'univers, ils contrôlent le monde, que c'est eux qui contrôlent le monde en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi ces gens-là qui ont cette croyance, hein, il y en avait justement qui sont alliés des ikhwan, et ils s'allient avec eux sans problème. Et donc, c'est quoi ces aqtab? C'est comme s'ils disent que le qutb, le saint qui est le plus haut pôle, en français, c'est quoi le qutb? C'est le pôle. Hein? Donc, ils croient qu'il y a un, à chaque époque, il y a un saint qui prend la position du qutb, le pôle, et que c'est lui qui est à la tête des hommes invisibles. Et que c'est lui qui contrôle la destinée des hommes et qui contrôle les atomes de l'univers et la destinée des hommes. Et c'est eux qui font tomber la pluie et c'est eux qui font. En tout cas, ils ont des croyances comme ça, comme j'en ai parlé dans les cours qu'on a donnés au sujet de la réalité du soufisme. Donc, si vous voulez en connaître plus là-dessus, vous pouvez aller justement sur les cours qu'on a fait à ce sujet-là pour voir les paroles et les croyances de ces gens-là à ce sujet. Et donc, parmi le cheikh, il dit, parmi eux, parmi les gens qui étaient avec les ikhwan, il y en a qui avaient ces croyances, comme un qui s'appelait Mujaddidi. Mujaddidi, c'était un des chefs des groupes de djihad en Afghanistan. Un des chefs parmi les groupes s'appelait Mujaddidi, et il avait exprimé dans ses livres qu'ils croyaient en ces êtres invisibles et en le Qutb et toutes ces choses-là. Et il était donc celui qui était à la tête du groupe de Abdullah Azzam à l'époque. Donc, le Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, regardez comment Abdullah Azzam était en train de se moquer et de dire de jeter et de lancer des moqueries et des sobriquets aux savants et aux joueurs salafiyines et de les attaquer, alors que lui, il était sous la dirigeance d'un des idolâtres qui appelle à l'idolâtrie et qui croit en des gens qui contrôlent l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh il dit ensuite comme point numéro 12: والمهم أن أصحاب المنهج الإخواني لم تدق صدورهم صدورهم بأحد من فرق الضلال بل والكفر الصريح ما داموا يوافقونهم على منهجهم فما من أحد منهم إلا وقد اتسعت صدورهم له ما عدا الموحدين أصحاب المنهج السلفي فإنهم وقفوا منهم موقف العداء فمن نالته أيديهم مثل جميل الرحمن قاتلوه أو قتلوه ومن لم تناله أيديهم ورأوا أنهم بحاجة إليه نالوا منه بكلام يحمل في طياته السخرية والازدراء وأهانوه بذلك وحقروه لكي ينفروا الشباب عنه وعن منهجه وهذا ما فعله عبد الله عزام غفر الله لنا وله وتبعه على ذلك من تبعه كعايد القرن وغيره والآن سأعود إلى متابعة الرد فأقول. Donc comme point numéro 12 il résume et il dit que qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que les gens qui suivent le manhaj ikhwani, ils n'ont pas de problème avec personne parmi les gens qui font partie des sectes d'égarement, et même parmi les gens qui sont dans le kufr clairement, yani, tant que ces gens-là sont d'accord avec leur méthodologie et leur manhaj, alors dans ce cas-là, ils disent qu'ils sont corrects et ils ne s'opposent pas à eux et ils s'allient à eux. Ils n'ont aucun problème avec eux. Donc, on voit que tout le monde sont des amis pour les ikhwan, excepté les gens qui sont sur le tawhid, parmi les gens qui suivent le manhaj salafi. Hein? Donc, ils ont pris une position d'opposition au manhaj salafi et au salafi. Ceux qu'ils sont capables d'attraper avec leurs mains, comme Jamil al-Rahman en Afghanistan, à Kunar, ils le tuent, ou bien ils le combattent, et ceux qu'ils ne sont pas capables de prendre avec leurs mains, eh bien, ils les attaquent de toutes sortes de façons, soit en parlant contre eux, avec des paroles de moquerie et d'humiliation, hein, pour les rabaisser, pour éloigner et faire fuir les gens de ces jeunes-là et de leur manhaj. Et ça, c'est ce que Abdullah Azzam a fait, hein, que Allah le pardonne à nous et à lui. Et il a été suivi dans cette voie par Aïd al-Qarni et de même que d'autres également, dont on a mentionné les noms plus tôt et dont on mentionnera les noms plus tard également aussi, inshallah. Ensuite, le Cheikh il dit « Al-Wajhu al-Sabi' Sami'tu ma za'amahu Sami'ta ma za'amahu Abdullah Azzam fi qawlihi inna al-Qur'an la yuftahu asraruhu ala faqihin qa'id bal ala faqihin mutaharrik ila akhirihi wasma' ila Allah al-Alim al-Khabir haythu yaqulu ta'ala ya ayyuhal-lazina amanu attaqullaha wa aminu bi rasulihi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذا فسرنا الحركة التي يقصدها بالخروج على الولاة وإن كانوا مسلمين ويحكمون شرع الله فيما تحت أيديهم ومحاكمهم كلها شرعية كما هو بين في قوله: وأيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة لفاسق واشتراط العلم والتقوى لمن يلي أمرا من أمور المسلمين أو يتصرف في شؤونهم. Donc le cheikh il dit, comme point numéro 7, il dit, comme vous avez entendu ce que Abdullah Azam a prétendu dans sa parole lorsqu'il dit que les secrets du Coran ne peuvent pas être dévoilés à un faqih qui est resté derrière. Il l'appelle Al-Qa'id, faqihun Qa'id. Et Qa'id, c'est le contraire de ce que Allah a décrit, par exemple, dans les versets du Coran, quand il parle des mujahideen. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des mujahideen, puis après, il parle des qa'idin. C'est-à-dire ceux qui sont restés derrière, qui sont restés assis. Et il dit donc, c'est uniquement un savant qui est actif, qui bouge, qui peut comprendre. Et comme j'expliquais déjà, qu'il disait cette shubha, elle était répandue, yani, à l'époque, parmi les djihadiens, et les gens qui appelaient au djihad et tout, à Montréal et ailleurs, parmi les takfiriens et les autres, il disait par exemple que les savants de l'islam, les savants et les ulama salafiyin, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas comprendre ils ne peuvent pas faire de fatwa en ce qui concerne les questions de djihad et en ce qui concerne qu'est-ce qui se passe en Afghanistan ou en Bosnie ou dans un autre pays, comme par exemple ceux qui étaient en Algérie qui prétendaient faire le djihad parmi les Khawarij là-bas. Ils disaient non, les savants ne peuvent pas parler de ce qui se passe là-bas parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Et ça, c'était une de leurs shubha, justement pour écarter les gens des ulama et pour que les gens ne retournent pas aux ulama pour savoir les réalités sur le verdict de ce qui se passait là-bas. Et donc, ils utilisaient cette méthode justement pour tromper les gens. Alors, on voit que même Abdullah Azam, il était un des premiers à faire véhiculer cette idée-là, de dire que non, c'est juste un savant qui bouge et qui est actif, et non pas un savant qui est resté derrière, qui n'est pas allé au djihad, qui a le droit de parler dans ces questions-là, et qui peut découvrir les secrets du Coran. Le cheikh il dit par la suite, il dit: regardez ce que Allah, l'omniscient, le bien informé, regardez ce qu'il dit dans le Coran au sujet du verset 28 dans Surat al-Hadid et le verset 29 dans Surat al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Hadid, le verset 28, il dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, et il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Il vous donnera une lumière par laquelle vous marcherez et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et il dit, regarde, il explique, il cite ensuite le verset 29 dans Surat al-Anfal et il dit: ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, si vous avez la taqwa, Allah va vous donner un furqan, c'est-à-dire il va vous donner un discernement. Et il va expliquer qu'est-ce que les salafs ont dit au sujet de ce terme-là, qu'il va nous donner un furqan, qu'est-ce que ça veut dire. Et il va expier pour vous vos fautes, vos péchés, et vous pardonner vos péchés. Et Allah, certes, est le détenteur d'une grâce immense. Ensuite, il dit, et si on interprète ou si on veut comprendre qu'est-ce que Abdullah Azzam veut dire par le terme haraka ici, quand il dit un faqih mutaharrik, qu'est-ce qu'il veut dire par al-haraka, de quel mouvement ou de quelle action il parle? Il parle du fait de sortir contre les dirigeants en rébellion contre eux, même si ce sont des musulmans. Du moment qu'ils jugent selon la charia, hein, il dit, s'ils jugent par la charia d'Allah, et qu'ils jugent leur sujet par la loi d'Allah, et que leurs tribunaux sont tous des tribunaux islamiques, ils disent que malgré tout, on a le droit de se rebeller contre eux. Donc ça, c'est les idées qui étaient véhiculées justement par Abdul Azzam et les gens qui étaient justement dans l'Afghanistan, qui sont participés au djihad. Et ça prouve qu'ils étaient souvent influencés justement par les idées des Khawarij et par les croyances des Khawarij. Et que beaucoup d'entre ceux qui sont revenus justement de l'Afghanistan sont revenus en portant des idées de ces Khawarij. Hein, parce que les Ikhwans ont pris en charge ce djihad là-bas, et ils l'ont corrompu avec toutes sortes de principes et d'idées contraires aux principes et au fondement de Ahl-Sunnah et Al-Jama'ah. Et donc le cheikh dit, regardez ce qu'il dit Hassan al-Banna, Abdullah Azzam, regardez ce qu'il dit Abdullah Azzam, qui prouve que ce qu'il voulait dire par les savants qui bougent, ce sont ceux qui appelle à se rebeller contre les dirigeants, même s'ils sont musulmans. La preuve, il dit, et je suis certain, aujourd'hui plus qu'à aucun autre moment auparavant, c'est-à-dire il est plus certain aujourd'hui qu'à aucun autre moment auparavant, de l'accord des savants qui sont l'avant-garde parmi les savants. Hein, de ceux qui ont parlé, soi-disant, il dit qu'ils sont d'accord, les fuqaha, qu'on ne peut pas conclure un serment d'allégeance pour un fasiq, c'est-à-dire pour un pécheur. Et que c'est une condition pour que le dirigeant soit dirigeant et qu'on lui fasse une bay'a. Il dit qu'une condition, c'est qu'il possède la science, c'est-à-dire qu'il ait du ilm, et qu'il ait at-taqwa, qu'il soit parmi les muttaqis, hein, pour qu'il soit un dirigeant des musulmans et pour qu'il s'occupe des affaires des musulmans. Donc là, Abdul Azzam, il est en train de dire qu'il est convaincu que c'est ça les conditions. Il faut avoir l'ilm et at-taqwa, et que les savants sont d'accord qu'on ne peut pas faire une bay'a ou un serment d'allégeance à un pêcheur. Hein, donc on va voir tout plus tard que c'est faux et que c'est contraire à l'ijma des salafs et contraire même à la aqida et au manhaj des salafs. Cette parole-là est contraire, elle est fausse. Et dans le point numéro 9, le cheikh, il va justement répondre à cette citation-là et ramener les preuves du mensonge et de l'égarement qui sont présents dans cette parole. Et le cheikh, il dit « فَإِنَّهُ سَيَكُونُ هَؤُلَا بَعِيدِينَ » عن التقوى والإيمان الكامل الذي جعله الله جل شأنه شرطا في الذي جعله الله جل شأنه شرطا في العلم أن في العمل في العلم النافع والعمل الصالح والمغفرة والرحمة وصدق بعد ذلك من شئت فقد فسر مجاهد وعكرمة وغيرهم فرقانا مخرجا وقال مجاهد في الدنيا والآخرة وقال ابن عباس فرقانا نجاة وفي رواية عنه نصرا وقال ابن إسحاق فرقانا فصلا عن الحق فصلا بين الحق والباطل وقال ابن كثير وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وهو يستلزم ذلك كله فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سببا لنصرته ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها وسترها عن الناس وسببا لنيل ثواب الله الجزيل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Donc le cheikh dit ensuite, donc crois en qui tu veux par la suite, mais sache que Mujahid et Ikrimah, deux parmi les salafs, ils ont interprété le mot Furqan dans le verset 29 dans Surat Al-Anfal, hein, le discernement, ils ont dit que c'est Makhrajan, c'est-à-dire une issue facile. Et également Mujahid, un des élèves d'Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud, il a mentionné que le mot Furqan dans ce verset-là, c'est dans Ad-Dunya wa Al-Akhira, c'est-à-dire Allah va leur donner une issue facile au jugement dernier et dans la vie d'ici-bas. Et Abdullah ibn Abbas, lui, il a dit que c'était le salut. Hein, Al-Furqan, c'est le salut, c'est-à-dire ils seront sauvés. Et une autre narration qui est rapportée selon Abdullah ibn Abbas, il indique que le terme Furqanan signifie Nasran, c'est-à-dire une victoire. Et Ibn Ishaq, un des savants, il dit Furqanan faslan bayna al-haqq wal-batil, c'est-à-dire c'est un discernement entre la vérité et le faux. Que le Furqan, c'est pour distinguer entre le vrai et le faux. Et l'imam Ibn Kathir, Hafiz Ibn Kathir, le savant de tafsir, il dit que ce tafsir de Ibn Ishaq est plus général que ce qui a été mentionné auparavant. Et donc, ce tafsir-là, il implique tout ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire, quand on dit que le Furqan, c'est un discernement entre ce qui est vrai et faux, ça implique tout ce qui a été dit auparavant. Et le cheikh, il dit que, pourquoi? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a ordonné la taqwa. Et la taqwa, c'est de faire ce que Allah a ordonné et d'abandonner ce que Allah a interdit de faire. Et donc, celui qui fait ça, comme récompense, il aura la connaissance de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et donc, il pourra s'écarter de ce qui est faux et suivre ce qui est vrai. Et ensuite, étant donné qu'il aura cette connaissance, ça va être une cause pour lui pour avoir la victoire et pour être sauvé et pour avoir une issue dans la dunya et pour avoir le bonheur dans l'au-delà au jour de la résurrection. Et ce sera également une expiation de ses péchés. C'est-à-dire qu'Allah va effacer et pardonner et couvrir ces péchés-là déjà. Et également, ce sera une cause pour que quelqu'un reçoive la récompense énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 29 dans Surat Al-Anfal, qu'on a mentionné tout à l'heure. Après, le cheikh il dit, donc il mentionne ça, c'est pour montrer que c'est pas vrai que pour avoir pour que nous soit dévoilé les secrets du Coran, il faut être soi-disant au djihad, ou qu'il faut partir en Afghanistan, ou qu'il faut partir dans un endroit où il y a le djihad pour avoir les secrets, ou pour qu'on ait la compréhension et la distinction entre le vrai et le faux. Il suffit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pas une condition que ce soit dans le djihad. Hein? Donc ça, c'est un point important. Puis après, le cheikh, il dit فإذا أردت أن تعلم أن عمل الحركيين وما عقدوه من جواز الخروج على الولاة حتى ولو كانوا مسلمين باطل فاقرأوا الرد على الوجه التاسع لكي تعلم أن الأدلة وعقيدة السلف على خلاف ما قال عزام. ثم قال ثم قول حكايته اتفاق الفقهاء البارزين على عدم انعقاد البيعة لفاسق، أين وجد هذا الاتفاق؟ والعلماء مجمعون على صحة ولاية المسلم الفاسق وتحريم الخروج عليه، اللهم إلا إن كان يقصد فقهاء المعتزلة وأتباعهم من الحركيين يوم القيامة. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله في الوجه التاسع. Donc le cheikh il dit, si tu veux savoir que l'action ou l'activité des activistes et des gens qui suivent les mouvements activistes, si tu veux savoir que ce qu'ils ont comme idée de permettre de se rebeller contre le dirigeant, même si c'est un musulman, si tu veux savoir que ça c'est faux, que cette idée-là qu'ils ont et ce principe-là qu'ils ont est faux, alors lis le point numéro 9 de notre réfutation. C'est-à-dire que dans le point numéro 9, le cheikh il va s'attarder sur cette question-là en détail. Et donc on va réfuter cette citation-là ou cette parole-là de Abdullah Azzam. Donc pour que tu saches que la aqida des salafs est en contradiction avec ce que dit Abdullah Azzam. Et le cheikh il dit, puis par la suite, le fait qu'il ait mentionné que les fuqaha, les savants qui sont en avant-garde ou qui sont de l'avant, ceux-là sont tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas donner l'allégeance à un dirigeant qui est pervers ou qui est fasir ou qui est pécheur. Et le cheikh il dit, où est-ce que vous avez trouvé cet accord ou cette entente-là entre les savants soi-disant, alors que les savants sont tous d'accord sur le fait que le musulman qui est pécheur et qui est pervers, il est interdit de sortir contre lui, excepté si vous parlez des savants des Mu'tazila et des fuqaha des Mu'tazila et de ceux qui suivent leur voie comme vos fidèles parmi les activistes des Ikhwan. Et donc il montre que en fait c'est pas des gens de, si ceux qui se sont mis d'accord sur le fait qu'on peut se révolter contre les dirigeants, c'est pas les savants qui ont suivi la voie des salaf, mais c'est plutôt les harakiyin et les gens de bid'ah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah, puis demain on va continuer ça en détail inshallah avec le point numéro 8 et le début du point numéro 9. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.